الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام سلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا إدراك شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لصيامه وقيامه والبر فيه. ومرسي الله سبحانه وتعالى celui par la grâce duquel nous avons atteint ce noble mois, le mois de Ramadan, le mois béni, le meilleur mois de l'année, le mois qu'Allah Azza wa Jalla a préféré au point d'y rattacher un pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Aussi, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous assiste et nous permette de remplir cette obligation, le jeûne du mois de Ramadan, et qu'il nous aide à prier ces nuits et à agir dans celui-ci avec excellence. والذي يريد أن يحسن في صيامه وفي هذا الشهر عليه أن يتفقه في دينه، عليه أن يتفقه في أحكامه وفي فضائله وفي ما يجب عليه. Celui qui souhaite agir avec excellence durant le mois de Ramadan doit étudier et il doit savoir connaître les mérites de ce mois, de ce jeûne. Il doit aussi savoir ce qui lui a été légiféré de faire durant ce mois, les choses qu'il doit accomplir comme les choses desquelles il doit s'éloigner. Wa min hadha al-bab sanaqra'u fi kitab al-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كتاب الصيام باب في وجوب صوم رمضان وفقهه. Donc concernant le jeûne, il nous dit le chapitre de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et son temps. قال حفظه الله تعالى صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية ومعنى كتب فرض وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة وأجمع المسلمون على وجوب صومه وأن من أنكره كفر. Le grand savant Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit: le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam, est une obligation et une obligation qu'Allah nous a rendu obligatoire, et c'est connu de l'ensemble dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Pour preuve, le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Quant au Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 183 et plus, on nous dit: ô vous qui avez cru, il vous a été enjoint ou prescrit le Ramadan, tout comme il a été prescrit aux générations avant vous, afin d'atteindre la piété. Donc dans ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, ô vous qui avez cru, il vous a été enjoint le jeûne, c'est-à-dire il vous l'a été rendu obligatoire, tout comme il a été rendu obligatoire aux générations avant vous, jusqu'à arriver au verset le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé en tant que guidé pour les gens. Donc le mois de Ramadan ou son jeûne est une obligation. Aussi on nous dit: famen shahida minkum ash-shahra falyasum, Celui donc qui témoigne de ce mois qu'il le jeûne, c'est-à-dire de la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grands fondements et 5 piliers. Et parmi ces piliers, il nous cite le jeûne du mois de Ramadan. Et les textes prophétiques montrant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et ses mérites sont très nombreux. À titre d'exemple, le hadith de Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, il nous dit: ja arabiyun tha'ir ra's ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'alahu ba'd al-as'ila yalan qal madha yajibu alayya min as-siyam qala ramadan qala wa alayya ghayru dhalik qala la illa anta at-tawwa'. Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu a dit ou nous rapporte que il nous rapporte que un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que, ou bien qu'est-ce qu'il m'est obligatoire comme jeûne? Il lui a dit le mois de Ramadan. Il lui a dit: est-ce que je dois ajouter à cela? Il lui a dit non, sauf si tu veux le faire volontairement. Donc on tire de tous ces textes que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, de par le Coran, la Sunna. Et il y a le consensus des savants à ce sujet. Juste une pause avant de continuer. Il y a une femme qui est venue, elle souhaite se convertir. Est-ce qu'elle est présente? Si elle est présente, on demande aux femmes de la faire, de l'avancer au premier rang des femmes à leur gauche afin qu'on lui dicte l'attestation de foi. L'islam repose sur 5 piliers, comme on vient de l'entendre. Et c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a agréé et légiféré pour ses serviteurs. Et cet islam est une religion universelle. Et c'est ce avec quoi tous les prophètes et messagers sont venus de l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam est le fait de se soumettre à une divinité unique et de l'adorer seul d'un culte sincère, et de reconnaître la prophétie du dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle doit également savoir qu'en islam, on ne voue le culte à personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'adorons ni prophète ni messager, et on dit que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager, et le fils de Maryam alayhi salam, et qu'il n'a pas de propriété ni dans la divinité ni dans la seigneurie. C'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, mais c'est son messager et son prophète. Tout comme le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, Ibrahim et d'autres étaient les messagers d'Allah alayhi as-salat wa salam. On va lui dicter la parole par laquelle elle entrera de plein gré en islam. Mais avant cela, je vais la traduire. Donc j'atteste et je reconnais qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et j'atteste et je reconnais que Mohammed est le messager d'Allah. Donc elle répète: Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Nous la félicitons pour la meilleure parole qu'elle ait prononcée depuis sa venue au monde, cette parole par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala agrée le serviteur, l'élève en degré et lui pardonne ses fautes passées. Cette parole, la ilaha illallah, est la clé du paradis. Et cette parole et le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers. Elle doit donc, nous devons donc, étudier cette parole sans cesse jusqu'à obtenir, incha'Allah ta'ala, l'agrément d'Allah. Aussi, suite à sa conversion, nous l'informons qu'en rentrant, elle se lavera et celles qui l'ont amenée lui apprendront à faire la purification. Et elle commencera par cette prière, la prière du Asr. Et il y a 5 prières à faire par jour. Aussi, nous l'informons qu'étant dans la journée de Ramadan, elle doit, à partir de cette seconde, s'abstenir de manger, de boire, et elle doit jeûner. Et ce jour-là lui sera valable, elle n'aura pas à le rattraper. À la personne qui est en dehors de l'islam, si elle se convertit à l'islam, elle doit observer le reste de la journée, le jeûne du mois de Ramadan. Le reste du mois, le jeûne du mois de Ramadan. Elle le commence après son témoignage, elle n'a pas à rattraper ce jour, il est valable. Quant aux jours passés, elle n'a pas à les rattraper. Quant aux jours passés, elle n'aura pas à les rattraper. Et les sœurs lui expliqueront et lui détailleront cela. Incha'Allah ta'ala. Walhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Et ça, c'est un des mérites de ce mois. C'est qu'on voit que durant ce mois, nombreux sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et à la vérité. Nous sommes le deuxième jour du mois de Ramadan. Il y a déjà eu 4 conversions. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqih. Narji'u ila darsina. Après avoir félicité notre sœur en Allah Azza wa Jal, nous revenons au cours. Wal hikmatu fi shar'iyyati as-siyam anna fihi tazkiyatan lin-nafs wa tathhiran wa tanqiyatan laha min al-akhlaq نعم probablement que c'est un qaf min al akhlaq al radi'a wal akhlaq al radila li'annahu yudayyiq majari al shaytan fi badan al insan wa li'anna al shaytan yajri min ibn adam majra al dam فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات والصوم على العكس من ذلك. Ensuite, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous parle, après nous avoir parlé de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il nous parle de la sagesse ou des sagesses pour lesquelles ont été légiférées le jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit pour purifier l'âme, pour la purifier, la nettoyer de tout mauvais caractère et de tout mauvais comportement. En effet, ceci resserre le flux sanguin et il nous fut dit, ou plutôt resserre le flux dans lequel peut circuler Ash-Shaytan. Et il nous a été informé que Shaytan courait dans le fils de Adam, tout comme le fait le sang. Alors, s'il mange ou boit, ce flux s'élargit ou bien s'accélère et Shaytan a plus d'emprise. Ainsi, les passions se développent. Et sa volonté de faire le bien et de mettre en pratique les adorations diminue. Par contre, celui qui jeûne se verra à l'inverse de cela, c'est-à-dire qu'il va resserrer l'étau ou bien il va resserrer l'espace dans lequel pourra circuler Ash-Shaytan et ses passions vont diminuer et il aura plus de volonté, de détermination à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sawmi تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة. Lorsque la personne jeûne, ça l'éloigne de ce bas monde et de ses passions, et ça développe son envie d'obtenir les choses de l'au-delà. وفيه باعث على العطف على المساكين وإحسان بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش ولأن الصوم في الشرع هو الإمساك بالنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Cheikh Saleh, hafidahullah ta'ala, nous dit: aussi celui qui jeûne se verra développer de la compassion envers les pauvres et la bienfaisance, ou bien wa ihsas na'am bi alamihim, et il ressentira leur douleur. Il ressentira leur douleur. Car le jeûneur ressent la difficulté de la faim et de la soif. Donc il se rappellera de ses frères parmi les gens dans le besoin. Et le jeûne dans la religion, c'est le fait de s'abstenir en ayant une intention particulière, de choses particulières comme manger, boire et les rapports avec l'épouse et autres choses qui ont été mentionnées dans la religion. On ajoute à cela le fait de s'abstenir des mauvaises choses et des perversions. Donc, il y a de nombreuses sagesses lorsque la personne jeûne, le but principal étant d'atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela nous a été mentionné explicitement dans le verset « La'allakum tattaqoum » أي لأجل أن تتقوا الله تبارك وتعالى. Le jeûne a été légiféré et sa sagesse principale, son but principal est de devenir pieux. Celui qui jeûne, il s'éduque à faire ce qu'Allah lui a commandé avec science, à délaisser ce qu'Allah lui a interdit avec science. Il espère la récompense d'Allah et il redoute son châtiment. ويبدأ وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس قال الله تعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. Le jeûne journalier commence par l'apparition de l'aube réelle, donc le fajr, الثاني, الصبح, et c'est le blanc qui apparaît à l'horizon lorsque l'on sort donc de la pénombre, lorsqu'on sort de la nuit. Et il s'étend et se termine de par le coucher du soleil, c'est-à-dire l'entrée du temps de la prière du Maghrib. L'entrée de la prière du Maghrib. Allah nous dit dans son livre, en Sourate al-Baqarah, le verset 187, sur la traduction des sens de ce verset, désormais commercez avec elles, c'est-à-dire les épouses, et recherchez ce qu'Allah vous a inscrit, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir du fajr, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le maghrib. Donc une fois que l'on sort de la nuit et qu'apparaît l'aube, c'est le début du temps du jeûne. Et une fois que le soleil se couche, c'est la fin du temps du jeûne. Quant au début du mois, il apparaît par l'un de deux signes. Et en étalant cela, on dira trois signes, comme l'a dit l'auteur ici. وَلِلْعِلْمِ بِدُخُولِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ. Il y a trois moyens de connaître l'entrée du mois. Le premier moyen, Ru'yatu Hilal, le fait de voir la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan. C'est la première manière de savoir que nous sommes entrés dans le mois de Ramadan. Allah nous dit en Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui donc qui témoignera du nouveau mois qu'il le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le recueil de Bukhari Muslim, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, صُومُ لِرُؤْيَتِهِ, jeûnez à sa vision, c'est-à-dire la vision de la nouvelle lune. فَمَنْ رَأَ الْهِلَالِ بِنَفْسِ وَجَبَ عَلَيْهِ صُومُ. Donc, celui qui voit de lui-même la nouvelle lune a l'obligation de jeûner. Le deuxième moyen, shahadatu ou shahadatu ala ru'ya, une personne qui témoigne avoir vu la nouvelle lune, puis nous en informe. On aura alors l'obligation de jeûner. Le premier moyen, c'est nous-mêmes qui avons témoigné de la nouvelle lune. Le deuxième moyen, c'est l'information d'une personne ayant témoigné de la nouvelle lune. Une personne témoignant de la vision de la nouvelle lune. فَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ مُكَلَّفٍ وَيَكْفِي إِخْبَارُهُ بِذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَاءَ النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رواه أبو داود وغيره. Si une personne témoigne avoir vu la nouvelle lune et nous informe de cela, nous avons l'obligation de jeûner le lendemain. Mais ce témoin doit réunir certaines caractéristiques et certaines conditions. Il doit être musulman. Il doit être pubère. Il doit avoir la raison. Il doit être digne de confiance, avoir une bonne vue. Et sa droiture ne doit pas être entachée par des perversions. Sa droiture ne doit pas être entachée par des perversions. Donc il doit être musulman de confiance, être pubère, avoir une bonne vue. Il ne doit pas être une personne connue pour le mensonge par exemple, pour la tricherie ou la trahison et ainsi de suite, ou le délaissement des salawats, ou faire sortir les prières de son temps. Il doit avoir une certaine droiture. Non pas qu'il est infaillible et ne commet pas de péché, mais il ne doit pas être classé comme étant un fasiq en islam. Si une personne semblable assure ou témoigne avoir vu la nouvelle lune, on doit prendre son témoignage et on doit jeûner le lendemain. Ceci en nous basant sur le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui nous dit, les gens ont cherché la nouvelle lune au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu la nouvelle lune, je l'en ai informé. Il jeûna alors et ordonna la même chose. C'est-à-dire il jeûna le lendemain et ordonna aux musulmans de jeûner. Naam. Donc, si on nous informe de la vision de la nouvelle lune, nous avons l'obligation de jeûner. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. La troisième méthode est de compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Si on ne voit pas de signe, c'est-à-dire la nouvelle lune, on doit attendre la fin du mois de Sha'ban 30 jours et commencer le jeûne le surlendemain. وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا أي الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له معنى قدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 رواه البخاري ومسلم. Si on ne voit pas la nouvelle lune, on doit attendre que le mois de Sha'ban s'écoule pleinement, c'est-à-dire compter 30 jours. ensuite on jeûnera le surlendemain, ou ensuite on jeûnera le lendemain. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mois se compose soit de 29 jours, soit de 30 jours. Et dans le hadith, il nous dit, ne jeûnez pas, si ce n'est après l'avoir vu ou jusqu'à l'avoir vu, c'est-à-dire la nouvelle lune. Et ne rompez pas le jeûne jusqu'à l'avoir vu, c'est-à-dire la nouvelle lune du mois de Shawwal, pour entrer dans le mois suivant et délaisser le jeûne. Et si elle ne vous est pas visible, alors déterminez, c'est-à-dire complétez le mois comme ayant 30 jours, comme c'est venu dans d'autres ahadiths. Complétez le mois de Sha'ban comme ayant 30 jours. C'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans le cas où on ne voit pas, où on a un empêchement, on fera pareil. Dans le cas où il y a un empêchement comme une tempête de sable, comme une tempête, comme la pluie ou autre, on ne devra pas jeûner par précaution. Mais on devra laisser s'écouler le 30e jour, comme c'est apparent dans ces hadiths. Aussi, le prophète alayhi salat wa salam nous dit de ne pas jeûner. Il nous dit de ne pas jeûner un jour avant ou deux jours avant Ramadan. Certaines personnes jeûnent par précaution. Ceci est une erreur, car ça contredit ce que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon nous dit également, probablement Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abu al-Qasim, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous cite ce qu'on appelle shurutul wujub, les conditions d'obligation, à savoir les choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur le croyant, il a l'obligation de jeûner. Il a l'obligation de jeûner Ramadan. Shurutul wujub sitta. Il y a six choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur le musulman, il se voit dans l'obligation de jeûner. Il se voit dans l'obligation de jeûner. La première condition, al-islam. Il doit être musulman. La deuxième condition, al-aql. La raison. Celui qui n'a pas la raison, il ne jeûne pas. La troisième condition, al-bulugh. La puberté. Celui qui est enfant n'a pas l'obligation de jeûner. La quatrième condition, al-iqama, le fait d'être résident, de ne pas être en voyage. Naam, celui qui est en voyage n'a pas l'obligation de jeûner. Mais s'il rompt le jeûne, il devra rattraper ses jours manqués. La cinquième condition, al-qudra, la capacité à jeûner. La personne âgée qui n'arrive plus à jeûner, ou le malade, n'ont pas l'obligation de jeûner. Le malade qui n'a pas la capacité de jeûner, ces gens-là n'ont pas l'obligation de jeûner. Et la sixième condition, as-salamatu min al-mawani', l'absence d'empêchement. C'est-à-dire que la femme ne doit pas avoir ses menstrues ni ses lochis. Ne doit pas avoir ses menstrues ni ses lochis. Si ces six conditions se réunissent sur la personne, elle est obligée de jeûner. Elle est obligée de jeûner. الشيخ حفظه الله تعالى ديوالي ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على كافر ولا يصح منه فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولزم قضاء ما سبق حال كفر حال الكفر ولا يجب الصوم على صغير ويصح صوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المريض المرض والسفر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم المسافر والصحيح المريض والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم liya'taqidu wujubahu fi dhimamihim. Na'am. Cheikh Saleh Habibullah Ta'ala nous dit, c'est le jeûne de Ramadan, du mois de Ramadan, incombe à chaque musulman, responsable ayant la capacité. Responsable, c'est-à-dire qu'il a la raison et qu'il est pubère. Et sachez que la puberté est affirmée sur la personne par l'apparition de l'un de trois signes. Et il y a un quatrième pour les femmes. Le premier signe, c'est nabtu al-sha'r, sha'r al-'an, l'apparition des poils du pubis. Celui qui a la pousse, qui observe la pousse des poils du pubis, les poils en bas, la partie intime, il est pubère. Celui qui a des poils en bas, il ou elle est pubère. Le deuxième signe, c'est inzal al-mani, la sortie du mani, du sperme. Celui qui, suite à un rêve ou lors de son sommeil, en se réveillant, il voit ce liquide, et en général, les savants appellent cela l'ihtilam, pour marquer la puberté, car en général, la première fois, ça sort durant le sommeil. Ça sort durant le sommeil. La personne qui témoigne de cela, elle devient, ou il ou elle devient pubère. Le troisième signe, itmamu khamsata ashara sana, avoir 15 ans révolus. Celui qui complète sa 15e année, na'am, celui qui complète ses 15 ans, il est pubère. On ne dit pas qu'il faut réunir ces trois choses-là pour être pubère, mais une seule chose de ce qu'on vient de citer marque la puberté du serviteur. Marque la puberté du serviteur. Il y a un quatrième signe propre aux femmes, c'est al-hayd, c'est les menstrues. La femme qui observe ses menstrues, ses règles, elle devient, la fille qui a pour la première fois ses menstrues, elle devient pubère. Elle devient pubère. Elle est donc dans l'obligation, une fois l'arrêt total de l'écoulement du sang, elle sera dans l'obligation de se laver, de commencer le jeûne, la journée du mois de Ramadan. Celui qui n'est pas musulman, on ne lui dit pas de jeûner, mais on l'invite à l'islam. S'il prononce l'attestation de foi, à ce moment-là, on lui dit de jeûner. Il devra continuer le jeûne du reste du mois, il sera valable. Quant à ceux qui est passé avant, il n'a pas à le rattraper. Il n'a pas à le rattraper. Celui qui est pubère a l'obligation de jeûner. Quant à l'enfant, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Mais il est valable pour l'enfant qui a atteint l'âge du discernement, c'est-à-dire 7 ans. Il comprend ce qu'on lui dit, il est capable de répondre. L'enfant qui a atteint l'âge du discernement, na'am, entre dans shurut ou siha, les conditions qui rendent le jeûne valable, mais pas shurut ou wujub, les conditions d'obligation. En d'autres mots, ou dit autrement, l'enfant, le jeûne, pour lui, n'est pas valable. Mais lorsque l'enfant atteint 7 ans, na'am, et qu'il est capable de jeûner, après cela, on lui dit de jeûner, le jeûne pour lui est valable. Et lorsqu'il atteint la puberté, pour lui, ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire. Et avant cela, pour lui, c'est nafila. C'est un acte recommandé, non obligatoire. Quant à la personne qui est malade ou qui a une incapacité ou une incapacité passagère ou qui est en voyage, cette personne-là n'a pas l'obligation de jeûner. Elle peut rompre le jeûne, mais elle devra rattraper les jours non jeûnés. Mais elle devra rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûnés. Et la personne qui est incapable, due à une incapacité passagère, une fois que l'excuse sera passée, elle devra rattraper. Et ils ont un an pour rattraper le jeûne, ou 11 mois. ils ont 11 mois pour attraper le jeûne en dehors des jours du Eid. Ils ont 11 mois en dehors des jours du Eid pour attraper le jeûne. En d'autres termes, ils ont jusqu'au Ramadan de l'année suivante. Ils ont jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante pour rattraper. Ils peuvent espacer ou faire tout d'un coup. Ils peuvent attendre ou faire rapidement. Ils ont le choix dans cela. Car dans Sourate Al-Baqarah, le verset 184, on nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, « Celui donc qui parmi vous est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre de jours égal. » Dans l'exégèse de ce verset, on nous dit « Ay fa aftara » c'est-à-dire « S'il rompt le jeûne, il devra rattraper un nombre de jours égal. » Non pas que le jeûne du voyageur n'est pas valable. Le jeûne du voyageur est valable à la sahih. Donc, tous ces gens-là ont l'obligation de jeûner. Mais dans certaines situations, ils peuvent ne pas jeûner, mais ils devront le rattraper. Comme la femme qui a ses menstrues, elle n'a pas le droit de jeûner alors qu'elle a ses menstrues. Mais une fois sa période achevée, elle devra jeûner. Et si elle est pure, c'est-à-dire que le sang s'arrête totalement avant le fajr, alors elle doit mettre l'intention de jeûner. Même si elle se lave que après le fajr. Elle doit mettre l'intention de jeûner. Elle est obligée de jeûner ce jour-là. Son jeûne est valable, même si elle se lave après. Tout comme celui qui est junub, celui qui est en état de pollution majeure, suite à la sortie du liquide ou un rapport avec son épouse, il jeûne, il s'arrête avant le fajr. Et s'il entre au fajr en état de janaba, cela n'affecte pas son jeûne. Son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Pareillement pour Al-Nufasa, celle qui a accouché, lorsque le sang s'arrête, elle commence le jour de jeûne le lendemain. À partir du fajr, elle met l'intention avant, même si elle se lave après l'entrée du fajr. والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. Cheikh Salah Fawzan cite une grande catégorie de personnes, même celui qui est évanoui, même la femme indisposée, même le malade et ainsi de suite. Et il dit tous ces gens-là sont visés par l'obligation du jeûne. Soit immédiatement, soit dans le sens où ils devront le rattraper. Soit dans le sens où ils devront le rattraper. Certaines personnes sont visées directement par l'ordre, ceux qui réunissent les six conditions qu'on a citées. Et d'autres sont visés, mais lorsqu'ils pourront le faire. Mais lorsqu'ils pourront le faire. D'autres sont visés par cette obligation, mais ils ont le choix. D'autres sont visés par cette obligation, mais ils ont le choix. Comme qui ? Comme le voyageur. Le voyageur est visé par l'obligation, mais il a le choix entre jeûner et rompre son jeûne et rattraper un nombre de jours égal. Quelle est la meilleure chose à faire pour le voyageur? Le voyageur a le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Autant les sahabas, certains compagnons jeûnaient, certains ne jeûnaient pas en voyage. Et personne ne faisait de reproche à l'autre. Mais quelle est la meilleure chose à faire? Ça dépend de la situation de la personne. Si en voyage le jeûne lui est facile ou égal, alors le mieux est qu'il jeûne. Pourquoi? Pour avoir rempli son obligation dans le mois de Ramadan. Et jeûner dans le mois de Ramadan est meilleur que de jeûner en dehors du mois de Ramadan. Deuxièmement, il aura effectué son obligation et il ne sera plus redevable. Alors que s'il rompt le jeûne et rattrape plus tard, il ne sait pas demain, yani, ce qui lui arrivera. Il ne sait pas de quoi est fait demain. Naam. Donc c'est mieux de jeûner. Aussi, il aura jeûné avec le groupe. Il aura jeûné avec les musulmans. Et tout ceci est expliqué par le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Quant à celui qui ressent une difficulté à jeûner et que ça lui nuit quelque peu, pour lui c'est recommandé al-iftar. C'est recommandé qu'il rompt le jeûne et qu'il rattrape un nombre de jours égal en dehors du mois de Ramadan. Quant à celui qui ressent une mashaqqa shadida, une grande difficulté, et que ça lui nuit réellement, na'am, alors certains savants disent que dans son cas, lui, c'est haram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme qui s'est évanoui. Et il a dit, que se passe-t-il? Ils lui ont dit, il jeûne. Il a dit, laysa min al-bir. Ou laysa, na'am, laysa min al-bir. Al-sawmu fi safar. Al-sawmu fi safar. Ça ne fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. En faisant allusion à celui qui jeûne et pour qui le jeûne est très difficile et non supportable. Dans ce cas-là, c'est interdit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jal veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. ومن افطر لعذر ثم زال عذره في اثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران والكافر اذا اسلم والمجنون اذا فاق من جنونه والصغير يبلغ فان كل من هؤلاء يلزمه الامساك بقيه اليوم ويقضيه. Cheikh Salah Al-Fawzan, Hamidahullah Ta'ala, nous dit, celui qui rompt le jeûne, car il a une excuse. Puis cette excuse disparaît durant la journée du mois de Ramadan. Comme le voyageur qui arrive à destination. Il n'est plus en voyage, il arrive chez lui dans la journée du mois de Ramadan. Comme la femme qui était indisposée, puis voit sa pureté. Comme le kafir qui se convertit à l'islam. Comme celui qui a perdu la raison, il retrouve la raison. Comme l'enfant qui devient pubère. Tous ces gens-là ont l'obligation de s'abstenir de manger, de boire et des autres choses qui annulent le jeûne le reste de la journée du mois de Ramadan. Donc ça, c'est l'avis d'un groupe parmi les savants. Ils disent, rahmatullahi alayhi, que celui qui est en voyage, et s'il arrive chez lui dans la journée de Ramadan, il n'a plus le droit de manger, de boire et autre chose. Pourquoi? Parce que dans son voyage, il est excusé, mais une fois arrivé, il n'a plus l'excuse. La femme qui est indisposée, si elle voit sa pureté dans la journée de Ramadan, auparavant, elle avait une excuse. Mais à ce moment-là, elle n'a plus le droit de manger, de boire et autre chose. Celui qui était enfant, puis dans la journée de Ramadan, il devient pubère, na'am, pareillement. Donc ceux qui avaient une excuse, et l'excuse disparaît dans la journée de Ramadan, Al-Sheikh nous dit, comme c'est l'avis d'un groupe de savants, ils doivent s'abstenir le reste de la journée. Ils doivent s'abstenir dans le reste de la journée. D'autres parmi les savants disent, non, il n'a pas à s'abstenir le reste de la journée. Pour certaines catégories, qui sont la femme qui est purifiée, le voyageur qui arrive à destination, le malade qui est guéri, ces gens-là n'ont pas à s'abstenir. Pourquoi? Parce que ce jour de jeûne ne sera pas comptabilisé. Donc à partir du moment où il ne sera pas comptabilisé, il n'y a pas de nécessité à s'abstenir. Et le respect de ce mois se fait selon ce qu'Allah a légiféré. Donc ces gens-là n'ont pas à s'abstenir. Par contre, celui qui se convertit à l'islam et celui qui devient pubère, ces gens-là, oui, ils s'abstiennent et ils jeûnent, et ce jeûne sera valable. Et c'est l'avis qui a été retenu par beaucoup de savants. Certains savants ont fait une différence entre le mawani ou asbab ul wujub, shurut ul wujub. Certains savants ont fait une distinction entre les empêchements et les causes et les conditions d'obligation. Certains ont dit, si les causes d'obligation et leurs conditions viennent sur la personne, il s'abstient. Mais si l'empêchement disparaît, il n'arrête pas de manger et de boire. L'exemple de celui qui obtient une condition d'obligation, c'est l'enfant qui devient pubère et celui qui sont convertis à l'islam. Ces gens-là, s'abstiennent de manger, de boire et autres. L'exemple de celui qui avait un empêchement qui disparaît, c'est celui qui était malade au début de la journée, celui qui était en voyage au début de la journée, celle qui avait ses menstrues au début de la journée. Ces gens-là ne leur dit pas de s'abstenir le reste de la journée. Ils ont émis pour preuve lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, il a trouvé que les gens du livre jeûnaient à Ashura. Il a trouvé que les gens du livre jeûnaient à Ashura. Il leur a demandé pourquoi. Ils ont dit c'est le jour où Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa de Pharaon et de son arme. Il leur a dit nahnu ahaqqu minkum bi Moussa wa ula. Nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moussa que vous. Pourquoi? Parce que le prophète sallam et les musulmans suivaient la voix de Moussa. Quant aux gens du livre, ils ont altéré sa voix et n'ont pas suivi sa voix. Alayhi salam. Fa sama wa amara an-nas bi siyam. Il a donc lui jeûné et a ordonné aux gens de le jeûner. Et a dit, celui qui s'est réveillé muftiran, ou bien ça, iman, celui qui s'est réveillé et qui n'a rien mangé, rien bu, n'a pas commis un annulatif du jeûne, qu'il continue le reste de sa journée. Et celui qui s'est réveillé muftiran, qui a déjà fait quelque chose, qui rompt le jeûne, falyumsik baqiyata yawm, qu'il s'abstient le reste de sa journée. Mafhoum? Ils ont donc dit, idha kana hadha fi ashura fa fi ramadan min bab aula. Ma wajhu al-istidlal? En quoi ce hadith est une preuve? Ils ont dit, si ceci est valable pour Ashura, à plus forte raison pour Ramadan. Si ceci est valable pour Ashura, que celui qui se voit dans l'obligation de le jeûner, na'am, doit s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne pour Ashura, à plus forte raison pour Ramadan. À plus forte raison pour Ramadan. Donc voici la preuve. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. Dans le cas où les musulmans voient la preuve dans la journée de Ramadan, qu'ils sont entrés en réalité dans le mois de Ramadan, alors ils devront s'abstenir le reste de cette journée. Ils devront jeûner le reste de cette journée-là. Et ils devront rattraper après l'Eid un jour. Ils devront rattraper après l'Eid un jour. Après Ramadan un jour. Non. Parmi les gens qui sont considérés malades, ou plutôt, non, parmi les gens qui sont considérés malades, il y a deux catégories. Al-marad alladhi yurja bur'uh, ou al-marad alladhi la yurja bur'uh. Il y a le malade qui a une maladie de laquelle on espère la guérison. Et il y a le malade qui a une maladie de laquelle on n'espère pas la guérison. La maladie qui en général est à vie, qu'ils appellent incurable. Quant à celui qui a un empêchement passager, quant à celui qui a une maladie passagère, s'il ne peut pas jeûner, il s'abstient de jeûner et il devra rattraper les jours après Ramadan. Après Ramadan. Et il n'a pas le droit de laisser entrer le Ramadan de l'année suivante sans avoir attrapé ses jours s'il en avait la capacité. Pour celui qui n'a pas fait cela, il doit se repentir. Après Ramadan, rattraper rapidement ce jour. Et certains savants disent même qu'il y a une expiation. La deuxième catégorie est celle qui est touchée d'une maladie de laquelle on n'espère pas la guérison. Ils ont un traitement à vie. C'est une maladie à vie en général. Ces gens-là ne vont pas jeûner et ils n'auront pas à rattraper car ils ne sont pas capables de faire cela. Néanmoins, ils devront nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre musulman à raison d'un repas qui rassasie la personne si elle prépare la nourriture, et dans le cas contraire à raison d'un kilo cinq, à raison d'environ 1,5 kg de nourriture. Et dans ce cas-là, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit, il est bon dans ce cas-là d'ajouter des légumes ou de la viande ou autre pour accompagner la préparation de ce repas. Il nous reste une catégorie de personnes qui est la femme enceinte ou celle qui allaite. La femme enceinte ou celle qui allaite, il y a une grande divergence à son sujet. Et un des avis les plus forts du fait qu'il s'affilie à la parole d'un compagnon et il ne lui a pas été connu de mukhalif, de compagnons qui contredisent son avis, comme l'a dit Cheikh Al-Albani et d'autres, rahimahullah, c'est la parole d'Ibn Abbas. Il dit que Al-Hamil Al-Murdi', la femme enceinte et la femme qui allaite, si elles ne jeûnent pas, elles nourrissent un pauvre. Donc la femme qui allaite et la femme qui est enceinte, si elle ne jeûne pas, donc celle qui jeûne, elle jeûne, et celle qui ne jeûne pas, ou ressentent le besoin de rompre le jeûne, elle rompt le jeûne, cette femme-là, et elle nourrit un pauvre, comme le malade qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Donc elle nourrira un pauvre par jour. Maintenant, concernant le malade, concernant la femme enceinte, concernant la femme qui allaite, quand est-ce qu'ils vont nourrir ce pauvre? Ils peuvent nourrir à partir du moment où le jour s'écoule. Et la rupture du jour est marquée par le coucher du soleil, le maghrib. Mais ils ne nourriront pas avant, car al-fidya, al-it'am, c'est le remplaçant du siyam. Et le siyam s'achève par le coucher du soleil. Ainsi, pour faire le al-fidya, pour nourrir le pauvre, ils devront attendre le coucher du soleil. Ils devront attendre le coucher du soleil. Soit yom biyom, soit chaque soir, soit deux soirs, puis deux soirs, soit 15 jours, puis 15, yani soit la moitié du mois, elle fera 14 pauvres, puis la fin du mois, 15 pauvres ou 16, yani tout ça pour dire qu'elle a le choix de s'organiser comme elle l'entend. Comme elle l'entend. Soit chaque soir un repas, soit tous les deux soirs, soit tous les cinq, soit toutes les deux semaines, et ainsi de suite. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, après avoir atteint un âge avancé, attendait la fin du mois de Ramadan, et il nourrissait 29 ou 30 pauvres. Et il nourrissait 29 ou 30 pauvres. Donc la personne a le choix, mais elle ne fait pas cela en avance. Elle peut faire cela jour après jour, ou après, mais elle ne fait pas cela en avance, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Al-Majnoun, qui retrouve la raison, si la base c'est qu'il est Majnoun et qu'il n'a pas la raison, son jeûne n'est pas valable parce qu'il n'a pas l'intention. Mais si c'est une personne qui de temps à autre retrouve la raison, on regarde la plupart du temps, est-ce qu'il est Aqil ou Majnoun, et on lui donnera le jugement. Et on lui donnera le jugement. Non. Celui qui s'évanouit, s'il a mis l'intention avant le fajr de jeûner, puis qu'il se réveille avant le maghrib, non, son jeûne sera valable car il aura réuni les deux piliers du jeûne. Al-imsak ma'aniyya, le fait de ne pas faire une chose qui annule le jeûne, et l'intention. Et l'intention. Mais s'il sort de ce temps-là, ça ne sera pas valable et il devra le rattraper. Ensuite, Cheikh Salah Fawzan nous dit bab fi bad'i siyam al-yawm wa nihayati. Le chapitre qui nous montre quand commence le jeûne et quand est-ce qu'il finit. Il nous cite le verset 187 de sourate Al-Baqarah. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانوا أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا افطر أحد منما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي ليل في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran qu'il nous est permis de commercer avec les épouses durant la nuit de Ramadan, c'est-à-dire du Maghrib au Fajr. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a abrogé une interdiction passée. Quelle est cette interdiction passée? C'est qu'avant, le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré différemment. Une fois la prière du Isha priée, ou une fois que la personne s'endormait, elle n'avait plus le droit de manger, de boire et commercer avec son épouse jusqu'au lendemain au Maghrib. Puis Allah azza wa jalla a abrogé cela. Et a permis cela du Maghrib au Fajr. Et il nous montre que tout cela est permis donc jusqu'à ce que se distingue le fil noir du fil blanc, c'est-à-dire l'aube de la nuit. Puis on doit continuer le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire au Maghrib. Donc voici le temps du jeûne, du Fajr au Maghrib. Donc on retient, comme l'a expliqué Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans le tafsir, qu'au début de l'islam, le jeûne était obligatoire et que les permissions étaient jusqu'à la prière du Isha, donc du Maghrib au Isha. Plus encore, si la personne s'endormait avant cela, elle n'avait plus le droit jusqu'au lendemain au Maghrib. Puis Allah Azza wa Jalla a allégé cela et les musulmans se sont réjouis d'une joie très forte. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليوم بداية ونهاية. Ainsi, à travers ce noble verset, on voit le début du jeûne et la fin du jeûne. Le début, c'est l'entrée du Fajr, réel. La fin, c'est le coucher du soleil. On voit aussi qu'Allah Azza wa Jalla a permis de manger, de boire et les relations de manger et de boire jusqu'au Fajr. Et de cela en tire istihbab al-sahur, le caractère recommandé du repas d'avant le Fajr. Et dans le recueil du Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Prenez le repas du matin, car d'avant le matin, car il y a dans cela une bénédiction. Et il y a des textes qui nous encouragent à ce repas, ne serait-ce qu'avec quelques gorgées d'eau. Et le mieux, c'est de retarder ce repas. Très proche du Fajr. Contrairement à ce que font certaines personnes qui prennent ce repas très tôt à la fin de la nuit, puis vont dormir par exemple, na'am, ou autre. Le mieux c'est de le prendre proche du temps du Fajr. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prend tôt ce repas aura commis plusieurs contradictions avec la sunna. Il aura commencé son jeûne avant l'heure. Il aura délaissé la prière du Fajr avec le groupe. Il aura désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être même qu'il fera sortir la prière du Fajr de son temps. Et Il entrera dans le verset Fawailu lil musallin, malheur à ceux qui prient, alladhina ma'an salatihim sahun, ceux qui sont distraits de leur prière. Puis al-Sheikh hafidhahullah ta'ala dit wa la budda yanwi as-siyam al-wajib min al-layl. فلو نوى الصيام فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيام صحيح تام إن شاء الله. Un point très important que nous cite ici l'auteur Hafidhahullah, c'est que l'intention pour un jeûne obligatoire doit absolument avoir été mise avant le Fajr. L'intention doit être mise dans la nuit, la première nuit de Ramadan. Naam. Et si la personne met l'intention avant le Fajr, puis qu'elle ne se réveille pas, son jeûne sera valable parce qu'elle a mis l'intention avant d'entrer dans ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui n'a pas mis l'intention dans la nuit, son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable. Une autre sunnah, après avoir cité As-Sahur, le repas d'avant le matin, le repas de la fin de la nuit, ta'jil ul fitr, le fait de s'empresser de rompre le jeûne une fois la certitude que le coucher du soleil a eu lieu. Dès que tu es sûr que le soleil s'est couché, le rond s'est couché, pas les lueurs, le rond seulement, kurs, alors c'est recommandé, c'est mustahab de s'empresser de rompre le jeûne. De s'empresser de rompre le jeûne. Naam. Une autre sunnah de rompre le jeûne avec rotabat, avec des dates fraîches. Si tu n'en trouves pas, alors et tamarat, alors des dates sèches. Si tu n'en trouves pas, alors quelques gorgées d'eau. Donc des dates fraîches si tu en as. Si tu n'en as pas, des dates sèches. Si tu n'en as pas, quelques gorgées d'eau. Ensuite, tu manges et bois ce que tu veux. Mais ça, c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans le recueil de Bukhari et Muslim, la yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Mais ici, une remarque importante, c'est lorsque tu es sûr que c'est le maghrib, lorsque tu es sûr que le soleil s'est couché, à ce moment-là, tu t'empresses pas avant. Et concernant le choix des dates, ou bien des gorgées d'eau, c'est pris du hadith de Anas ibn Malik rapporté par Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi. Si la personne ne trouve rien pour rompre son jeûne, elle coupe avec son intention. Elle coupe avec son intention. Al-Shir fait une remarque et il dit وَهُنَا أَمْرٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلِيهُ. Il y a une remarque, on a l'obligation de la faire. وَهُنَا بَعْدَ النَّاسِ قَدْ يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةِ إِفْطَارِهِ وَيَتَعَشَّ وَتُرْكُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْجَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ. Certaines personnes prennent place à la table du iftar. Ils mangent et prennent un repas au point de délaisser la prière du maghrib en groupe. Ils ne prient pas à la mosquée, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est une grosse erreur. Ils perdent une grande récompense. Et il met sa personne, il expose sa personne au châtiment. Ce qui est légiféré pour le jeûneur, c'est premièrement de rompre le jeûne. Et secondement, de se rendre à la prière en groupe, à la mosquée. Ça c'est pour celui qui est proche du masjid. Quant à l'autre, il vient à la mosquée, il rompt le jeûne au masjid. Il rompt le jeûne au masjid. Une troisième chose recommandée, c'est de faire du'a dans la journée du jeûne et au moment de rompre le jeûne. Et sa'imi inda fitri da'watun ma turad. Il y a un hadith d'Abdullah ibn Amr, rapporté par Ibn Majah, qui nous dit que le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée au moment où il rompt le jeûne. Une autre version nous dit, plus authentique, que c'est le jeûneur de manière générale, c'est-à-dire dans la journée de Ramadan, que ces deux a sont exaucés.